Paris avec le concours de USA Import à Lille et de Disco Parnasse à Paris. Bah alors ça va pas. Salut monde de Bouffoulcage, Cocteau, COCTO, le commandant Cocteau à bord du 19e Space Party. Incredible, ça fait 19 fois que l'on dit oui aux ovnis et on ne peut pas s'en empêcher. Space Party, c'est plus fort qu'une boum le samedi après-midi entre 14h et 18h avec du jus d'orange et des parents qui surveillent leurs enfants. Avec dans la première session du non-stop, Synthesis, Raph, T99, Westbam, Cancan, Pinocchio, LA Style et Digital. Orgasme, blues. Viens péter les plombs. and you thought to be slowed down. Come on. Essayez de pied avant d'entrer dans le nid. aux ovnis. Space Party. Énergie, le Space Party de la musique de Sauvage pendant une heure uniquement sur Énergie avec un invité surprise, Jean-Sébastien Bach. Salut Jean-Sébastien, plus de doigté, c'est pas terrible. Ta-da-da. Oh, l'harmonie horrible. French Lover, Félix, GTD et Barbecue Production, parce que vous le demandez par le courrier incroyablement incroyable. Viens faire un Tetris à la maison. C'est ça, la deuxième session du Super Space Party. Va plus vite, à reculons. Attention. Mais quel silence! Il n'y a que du bruit. Voilà! Thank you.

We'll be right back. Bonjour, je suis Garland Jeffries, Barbecue Production. Moi, j'aime bien barbecue, barbecue. Bonjour, c'est Jean-Jacques Goldman, Barbecue Production. Moi, j'aime bien. Salut, c'est Laurent Garnier, Barbecue Production. Moi, j'aime bien, moi. Salut, c'est Thierry Hazard, Barbecue Production. Moi, j'aime bien, moi. Hi, this is Two Brothers on the Fourth Floor, Barbecue Production. Moi, j'aime bien. Hi, this is Cece Peniston, Barbecue Production. Moi, j'aime bien. Bonjour, c'est Jean-Louis. Bonjour, c'est Mario du groupe Image. Barbecue Production. Moi, j'ai aimé, hein. Ah oui. Bonjour, c'est Marc Lavoine. Barbecue Production. Moi, j'aime bien. Salut, c'est Stéphane de Indochine. Et c'est Nicolas de Indochine et on adore Barbecue Production à Donf. On aime à Donf. Salut, c'est Tonton David. Salut, c'est Tonton David. Salut, c'est Tonton David. Salut, c'est David, Tonton. Salut, c'est Tonton David. Moi, je suis végétarien, alors normal, barbecue au poisson, ça j'aime bien. Normalement, boum boum tout gros. Salut, c'est Claude MC Solar, Barbecue Production, moi j'aime bien. Salut, c'est Dany Briand, Barbecue Production, moi j'aime bien. Bon bah salut, voilà, moi c'est Tonton David. Salut, c'est Etienne Dao, Barbecue Production, moi j'aime bien. Eh bah oui, c'est comme ça, moi je suis un jeune végétarien, so, moi barbecue au poisson, boum boum tout propre, normal, j'aime bien. Les plus grandes stars ont choisi barbecue, barbecue, barbecue, barbecue, barbecue. Putain, ça commence quand là? C'est chiant, on se fait chier là. Ah, Barbecue Production. Le 19e Space Party s'achève avec dans la deuxième session French Lover, Felix, GTD et Boé, East17, Phenomania, Speedy G, Mental, MXI, Transformer 2 et puis Barbecue Production. Quoi ? J'ai mal entendu. Barbecue Production. Attention, il va falloir attendre une semaine avant de participer à un concert de Gérard Lenormand à la Ferté-Gaucher avec trois pèlerins avant de tricoter un pull sans manche en peau d'éléphant. Cocteau, le commandant Cocteau dans la radio vous salue et salue aussi le 3615 Code Énergie par lequel, on peut communiquer. Le pèlerin, on est fou nous, hein. D'ici la semaine prochaine, attention, le porte-manteau est sur le fil à linge. Attention, le porte-manteau est sur le fil à linge. Pour l'instant, il est 14h10.